camarade en plus. Moi, ouais. L'expression camarade, j'ai de la misère avec ça. Excusez, là, ouais. Je sais qu'ils vont, si on le prend au sens propre, juste demain, ça veut juste dire camarade, ami, tout ça. Mais camarade, ça a aussi une autre connotation historique. Je m'excuse, ouais. Ça fait référence un peu à l'ancien bloc de l'Est, puis communiste. Au régime soviétique, où tout le monde est égal et tout le monde est également compétent. Ouais. Puis compte tenu de tout ce que le régime soviétique a eu, là, de barbarie puis d'horreur, moi, le mot camarade, j'ai un petit peu de misère avec ça.